au pavillon des suicidés, j'ai vu des gosses qui chiolaient. Leur enfance était dévastée, personne ne les comprenait. Leur regard pissait de détresse jusqu'à s'en mutiler le cœur. Comme des petits chiens sans caresse, à peine nés que déjà morts. Au chenil des désespérés, des femmes éventrées par l'amour essayaient de se raccrocher à la pâle lueur du jour. Des vieillards qui pour en finir s'étaient assassinés le cœur, balbutiaient dans un pauvre lit des mots qui n'ont plus de valeur. Au chenil des désespérés, j'ai vu des mains tendues d'espoir. Personne pour les réchauffer, l'hôpital est un grand dortoir. Au pavillon des naufragés, vieillards, femmes et petits enfants n'ont pas voulu s'agenouiller, rentrer bêtement dans les rangs. Au pavillon des oubliés, je n'ai pas trouvé le bon Dieu. Se serait-il embourgeoisé, aurait-il peur d'ouvrir les yeux? Au pavillon du désespoir, choc détresse est un message. Quand on est au bout des couloirs, toute la vie est mise en cache. À force de tricher pour survivre, le monde crève sans amour. Faut-il mourir pour être libre afin de renaître au grand jour? La vie se perd dans le confort, le fric nous a bouffé le cœur. Où donc trouver un réconfort lorsque tout autour nous fait peur? Nous fait peur. Chacun chez soi tenu en laisse, la porte mille fois verrouillée. À force de vivre sans tendresse, on finit tous par en crever. Pour vivre heureux, vivons cachés, ne suffit plus à ces enfants qui n'ont commis qu'un seul péché, celui d'avoir le cœur trop grand, le cœur trop grand. Au pavillon des cœurs sensibles, les humains se donnent la main. Ils ont atteint la même cible, ils sont sur le même chemin. Les gens ne comprendront jamais que quand l'amour t'est interdit, tu préfères mourir en secret, fermer ta porte sans faire de bruit, sans faire de bruit. Jusqu'à souffrir, jusqu'à mourir, seul jusqu'à faire saigner son cœur. Partir pour ne plus revenir, loin de cette loi du plus fort. Au pavillon des suicidés, chaque geste est un mot d'amour. Chaque regard est un baiser, chaque sourire un nouveau jour, un nouveau jour. Et votre monde, messieurs, dames, n'en finit plus d'agoniser. À chaque jour, à chaque drame, la terre transpire de pitié. Vous qui jugez les pauvres gens, regardez vos petits bourgeois. À quoi peut bien servir l'argent quand on est seul dans son chez-soi? Votre morale, on n'en veut plus, nous sommes fous de liberté. Nous allons refleurir les rues, libérer tous les opprimés. Au pavillon des suicidés, j'ai vu des cœurs brûlants d'amour. Et ce sont eux qui m'ont donné force.